Commission nationale du DELF et du DALF, Centre international d'études pédagogiques, DELF scolaire, niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, Dominique Chevalier-Wixler, Nicole Gourgaud, Bruno Maigre, les éditions Didier, Paris 2005.